Hi. Hi. I'd like a croissant, please. Yes, that's true, he would. Je voudrais une croissant. Oh, what? Je voudrais une croissant. Je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Radio Campus Toulouse 94 FM. Littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, science, on parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique sur Campus FM 94 FM. Bon, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, on est le jeudi 21 décembre 2017, il est 18h00, yes, et c'est l'heure de Rien à voir quoique, votre émission culturelle au sens très large sur Campus FM. Ce soir, Julia, qui était en stage à la radio, nous emmène au théâtre à Toulouse. Elle est allée à la rencontre de professionnels de théâtre, directeurs ou directrices chargées de communication, comédiens et comédiennes, spectateurs dans 6 théâtres à Toulouse. Le théâtre du Pont-Neuf, le théâtre Garonne, le TNT, le théâtre Jules Julien, le théâtre du Capitole et le théâtre du Pavé. C'est un reportage qui donne bien envie d'aller au théâtre. Et puis au programme de l'émission également, vos trois rendez-vous coup de cœur ou coup de gueule, plutôt coup de cœur en général, de nos trois chroniqueurs, avec Edgar et sa chronique musicale. Edgar qui doit être coincé. On espère dans les qu'il embouteillages, avec l'instant philo de Ambre qui est là. Bonsoir, oui, bonsoir. Ambre. Et puis Hugues qui sera là en fin d'émission. C'est François qui est à la réalisation technique de l'émission. Merci François. On est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique, en direct sur le 94 FM. Et c'est Ambre qui va démarrer cette émission avec son instant philo. Tout de suite. Et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Bonsoir chers auditeurs, alors ce soir, parce que je suis une personne originale, j'ai décidé de faire une chronique qui sent bon le pain d'épices, le foie gras et les huîtres bien tout mélangé. J'ai décidé de faire une chronique non pas sur le Père Noël mais sur le Père Fouettard. Parce que déjà le Père Noël ça sert à rien de faire une chronique sur lui, c'est le deuxième barbu le plus connu après Socrate, donc il a pas vraiment besoin de moi, alors que le Père Fouettard c'est un homme incompris. Puis bon, le Père Noël il est quand même complètement corrompu par la société de consommation quoi mec, sérieusement, Coca-Cola. Enfin bref, le Père Fouettard, au moins, il reste ferme sur ses positions. Alors oui, oui, certes, la légende raconte qu'il bat les enfants en passage avec un martinet, il distribue du charbon et se balade avec des chaînes et des cloches, mais bon, faut pas croire tout ce qu'on vous dit. C'est comme la légende d'un vieux papy qui vit au pôle Nord toute l'année et qui en une nuit se motive à faire le tour du monde pour distribuer des cadeaux à des mioches qu'il connaît même pas. Bon, ça à la rigueur, d'accord, mais franchement, un traîneau qui vole? Non mais les gars, c'est pas plausible. Mais bref, je m'égare. Alors le Père Fouettard, ça vient d'où? C'est qui ce mec? Bah alors c'est un des potes de Saint-Nicolas, hein. Il est des fois associé au Krampus, qui est une créature du folklore, décrite comme mi-chèvre, mi-démon. Ça donne envie. Alors personne ne l'aime parce qu'il fouette la foule, mais en même temps, si tu traînes toujours avec Saint-Nicolas, qui distribue des cadeaux à tout le monde et qui est un sauveur, même un enfant de cœur fait tâche, et c'est là où il est con, le Père Fouettard. Il aurait dû traîner avec Sauron ou Voldemort ou même Dark Vador, on lui aurait foutu la paix. Et puis Nico, il est bien content d'avoir un méchant à ses côtés, parce que primo, bah, c'est son garde du corps, évidemment, et deuxio, mais c'est son faire-valoir. Bah si, parce que Saint-Nico, tout seul, c'est juste un mec qui se promène sur une mule la nuit et qui veut donner des cadeaux aux enfants. Excuse-moi, mais ça, dans la vraie vie, ça s'appelle un vieux cinglé. Et puis, le Père Fouettard, il arrange pas que Nico, hein, il arrange aussi les parents. C'est comme la légende du croque-mitaine, hein. Ce personnage maléfique présenté aux enfants pour leur faire peur et ainsi les rendre plus sages. Puis ce truc du croque-mitaine, ça existe depuis l'Antiquité. Et ça, vous savez ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que les enfants, ils ont jamais été sages. Et c'est ça la vraie légende. Ces enfants, ces petits anges de bienveillance, innocents, etc. Mais non, enfin, si depuis l'Antiquité, on les menace avec un truc hardcore quand même, hein, parce que c'est pas si tu es pas sage, tu vas au coin. C'est si t'es pas sage, il y a un monstre maléfique qui va venir te bouffer. Et ça, c'est un peu chaud quand même. Et puis si tu le penses comme ça, est-ce que du coup, c'est pas les parents qui sont méchants? On n'y avait pas pensé à ça. Parce que finalement, le père Fouettard, est-ce que c'est pas juste un parent qui assume ses convictions? Parce que oui, le père Fouettard, avant toute chose, il est père. Et pour preuve, on a même un témoignage de son fils, là, Jacques Dutronc. C'était la fille du père Noël, j'étais le fils du père Fouettard. Bon alors, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. On reviendra plus tard sur le choix des prénoms. Clairement, il y a un manque d'amour, ou beaucoup d'humour, je ne sais pas encore, mais je m'égare une seconde fois. Alors oui, le père Fouettard, il a bien compris qu'il passait pour le méchant de l'histoire, mais tous les parents secrètement le remercient parce qu'il fait le sale boulot à leur place. Et ça, qu'est-ce que ça nous montre? Ben, ça nous montre que le père Fouettard, pardon, de même que les méchants, il est nécessaire. Parce que le bien sans le mal, ça veut plus rien dire et c'est là où je veux en venir. Par exemple, rien que si tu regardes, je sais pas, tous les films du monde, mais s'il n'y avait pas eu de méchant, mais quel intérêt aurait eu le film ? Harry Potter, alerte spoiler, les sorciers existent. Point. Star Wars, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, rien. Le Seigneur des Anneaux, il était une fois des petits hommes avec des gros pieds poilus, rien. Le petit chaperon rouge, il était une fois une petite fille très mal habillée qui allait voir sa grand-mère. Fin. Le bien, il existe par rapport au mal. Une bonne action, elle est jugée bonne parce qu'il y a toujours ce comparatif de la mauvaise action. Ce que ça montre, c'est que le mal, c'est une nécessité pour nous. Cette notion, elle est constitutive de l'humanité. L'être humain l'invente un peu plus chaque jour et l'utilise pour stimuler son contraire qui est le bien. Étienne Born, qui est un philosophe français du 20e, nous disait « Le propre du mal tient en ceci qu'il ne peut être nommé, pensé, vécu qu'en relation avec une certaine idée du bien. De fait, petit papa Fouettard, si tu m'entends, je t'aime et joyeux Noël. » T'as choisi un morceau ? Oui, j'ai choisi un morceau exprès, hein, qui est le morceau de Jacques Dutronc, donc la fille du Père Noël. Voilà, c'est parti. Je l'ai trouvé au petit matin, tout tenu dans mes grands souliers. Placé devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu, j'ai remis du bois, dans la cheminée, il n'y avait pas son père. J'étais la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit mais non Balthazar. Ne fais donc pas le fier à bras, je suis tombé là par hasard. La nuit, j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Descendu chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la fille du Père Noël, c'était le fils du Père Fouettard. Et elle m'a dit d'une voix très sèche, bye bye, oh, à sa faltaza. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Yes, on écoutait ce morceau de Jacques Dutronc, il est sorti en 66, La fille du Père Noël. Merci Ambre. Avec plaisir. Edgar, t'es là, super. Enfin, désolé oui, pour l'arrivée. Alors, donc, Alors du coup, moi je vais vous parler d'un petit événement, parce qu'en ce mois de décembre a eu lieu un gros événement sur la planète jazz, le lancement de la première plateforme de vidéos à la demande destinée au jazz. Alors c'est effectivement à majorité pour le jazz, mais tous ces enfants que sont la soul, le funk, le hip-hop ou la world music ont quand même une petite place. Et c'est donc le 16 décembre, ou pour être plus précis, dans la nuit du 15 au 16, que le Netflix du jazz, comme certains aiment à l'appeler, a vu le jour. Parce que ouais, absolument tous les médias qualifient cette plateforme. Ouais, c'est clair. Vous saviez pas ça? Ah non. Parce que ça fait le tour de quelques médias quand même qui aiment tous l'appeler comme ça. Quest TV, le Netflix du jazz. Et c'est vrai que ce terme, il sort pas de nulle part, puisque c'est cette enseigne qu'on connaît tous maintenant, Netflix. Elle a motivé un Français du nom de Reza Akbar Ali à appliquer une formule similaire pour un style musical qu'il affectionne particulièrement, le jazz. Alors, ce Reza, il est très actif pour la diffusion du jazz, que ce soit en France ou en Suisse. Il est entre autres choses programmateur à la Petite Halle de la Villette et au Festival Jazz à Vienne. C'est d'ailleurs à ce festival qu'il va rencontrer quelqu'un, un petit monsieur, un tantinet légendaire qui va pouvoir apposer sa renommée ainsi que le nom de son label, le label Quest. Et ce monsieur, c'est monsieur Quincy Jones. Ok. Alors, un jeune homme de 84 ans, qui est connu pour tout. Je crois que j'ai même pas avoir besoin de le présenter, et surtout si je le faisais, ça prendrait plusieurs heures ou même plusieurs journées. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que Q est toujours partant pour des supers idées quand ça concerne la musique. Q, c'est son petit surnom, c'est pas parce qu'il a joué dans un James Bond, au contraire, c'est plutôt parce qu'il a... Tu le connais personnellement ? Non. Mais au contraire, il est plus du style Austin Powers que James Bond, vu que le fameux thème d'Austin Powers, c'est de Quincy Jones, par exemple. Okay. En tout cas, voilà, c'est grossièrement de là que naît la plateforme Quest TV, un beau bébé dont le projet il a été lancé en France, et où on retrouve un catalogue d'artistes d'une notoriété qui n'est plus à prouver, que ce soit pour des lives récents avec Bobby McFerrin, Fatoumata Diawara, Tony Allen, Macy Gray, etc. Il y a aussi des archives où il y a un sacré live d'ailleurs de Sun Ra, par exemple, un artiste que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi des documentaires, enfin plein de belles choses. Un petit conseil quand même, si vous souhaitez vous abonner, attendez un peu parce que pour l'instant c'est une version bêta. Du coup, il y a pas mal de petites erreurs techniques. Perso, j'ai régulièrement des problèmes pour me connecter ou pour accéder à certains contenus. Mais c'est à la télé ou C'est sur Internet, c'est un peu comme Netflix en fait. Après, on peut le diffuser comme on veut et tout. En plus, le contenu pour le moment, il est assez réduit parce qu'il n'y a pas énormément de matière. Bon, attention, hein, la matière, elle reste quand même de super qualité. Ouais. Mais voilà, c'est ça le plus gros souci. Bien que ce soit une super idée, un concept original, Quest TV, c'est encore jeune et ça a vraiment besoin de se perfectionner. Le truc aussi qu'on peut se demander, on peut se poser la question, c'est est-ce que ça rend pas le jazz encore plus élitiste qu'il ne l'est actuellement? Parce que 8-10 euros par mois pour accéder à du contenu, c'est quand même une petite somme. Et en plus, quand la plateforme marche pas, ça la fout légèrement mal. Ouais. Mais bon, encore une fois, c'est une bêta et je suis sûr que les petits problèmes techniques, ils vont très vite être résolus. Alors pour terminer, on va s'écouter un morceau. Mais je tiens à préciser. Quincy Jones? Non. Un morceau, mais bon, je tiens à préciser, justement, c'était ça le souci. Il y a eu tellement d'artistes là-dessus que c'était un combat en mon fort intérieur pour en trouver un en particulier. Et bref, il y en a un en particulier qui m'avait marqué quand je l'ai découvert. Et j'ai été vraiment content de le retrouver sur cette plateforme. C'est Robert Glasper. Ah ouais. Alors, essentiellement compositeur, tu connais du coup? Ouais, super. C'est parfait. On doit dire Robert Glasper. Alors ouais, il est bien connu pour un style hybride entre jazz, hip-hop, soul. Mais pour le coup, c'est une reprise qu'il interprète. Une reprise de l'artiste britannique Said. Un peu plus jazzy qu'à la base, évidemment, et le morceau s'appelle Cherish the Day, et c'est Lala Hathaway qui se coltine la lourde tâche de succéder à Said. On écoute. Won't go astray, won't be afraid, won't catch me running. You're ruling the way that I move. Now breathe. rescue me. This is my prayer. De Titus est le dépositaire. Oh putain, c'est en vert. On parle de toutes les cultures, de rien à voir quoique. Ils sont affreux ces costumes. Sur Campus FM, 94 FM. C'était quoi le morceau, Edgar? C'était trop bien. Cherish the Day de Robert Glasper. L'original est de Said. Mais voilà. Super. Merci. Flaubert disait « La fenêtre en province remplace le théâtre et les promenades ». J'ai pas très bien compris cette citation. Mais je me suis dit que Toulouse, il faut croire que Toulouse n'est pas en province, tellement la ville abrite de nombreux théâtres. J'ai cherché un nombre exact et j'ai pas trouvé. Mais pour vous, chers auditeurs, Julia, qui était en stage à la rédaction à Campus FM, a fait son tour des théâtres toulousains en allant à la rencontre de gens passionnés, amoureux de cet art de la scène. On écoute son reportage. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je n'en sais rien, que veux-tu faire ? Et si on allait au théâtre ? C'est nul ! Au théâtre, tu participes à cet rendez-vous d'amour incroyable. C'est ça le secret profond du théâtre. C'est génial, j'adore ! Si vous n'allez pas au théâtre, c'est lui qui ira à vous. J'ai fait un peu le tour des théâtres toulousains et croyez-moi, ils vous accueilleront à bras ouverts. On commence avec Olivier Janel qui travaille avec le Théâtre du Pont Neuf. Sur place, l'ambiance est plutôt intime et chaleureuse. Tu veux un café ? Ah ouais. Wow, Mathieu ! Comment va ? Mais c'est quoi exactement le Théâtre du Pont Neuf ? Un petit théâtre toulousain au fond de la place Arzac dans le quartier de Saint-Cyprien, qui est un lieu qui est un lieu d'accueil de compagnie en résidence de création, et il est géré conjointement par quatre compagnies dites les compagnies fédérées. Quatre compagnies donc qui s'unissent pour nous proposer des œuvres de qualité. Alors des compagnies fédérées, mais autour de quoi ? D'abord, on est essentiellement sur du théâtre de texte. Ça n'empêche pas des formes plus transversales avec de la danse, de la vidéo, de la musique. On avait envoyé à Dresde Constance et sa sœur Hilda à l'âge de 15 ans pour y étudier la musique, entre autres choses. Elles étaient beaucoup amusées. Elles menaient une existence libre parmi les étudiants, avec les hommes, des discussions sur la philosophie, la sociologie. Par exemple, cette année, on avait Gustave Flaubert, une écriture au plateau sur des gens qui sortent du conservatoire, Asile Club, un collectif de balles perdues qui travaille sur le théâtre de rue. Enfin, c'était assez exhaustif et divers. Bon, il y a vraiment une volonté là de toucher un large public. Mais pour les étudiants, c'est-à-dire des jeunes entre 18 et 25 ans, est-ce que vous avez un spectacle à conseiller ? Je dirais La fille qui sent le tabac, qui est pour un public étudiant, qui traite de la violence faite aux enfants, de violence sexuelle faite aux enfants, mais aussi d'un parcours de résilience. Après, je pense qu'il y a un très beau travail sur Baudelaire, Infini B, qui est un assemblage de textes de Baudelaire mis en musique par Philippe Gelda. Un peu de poésie dans ce monde de brut, c'est pas mal. Mais bon, étudiant, ça veut dire petit budget. Alors comment on fait ? On a un tarif réduit, tous les spectacles sont à 8 euros pour les étudiants. On accepte également les carnets plein feu que nous ne vendons plus, mais nous les acceptons. C'est-à-dire les étudiants qui ont des carnets plein feu, c'est cette espèce d'abonnement un peu comme au cinéma. Là, on a plusieurs tickets d'avance qui revient, je crois, à la place à 6 euros pour les étudiants. Voilà ce qu'on propose. Ah bah parfait, vous avez pensé à tout. Merci Olivier. J'entendais peut-être d'injecter aussi ce côté Mathilda Risso, ce côté gouailleur qui avait un peu chez la servante chez Duras, qui vient du peuple. Cette naïveté, l'obtus de la jeunesse. Ouais, c'est vrai qu'elle est hyper jeune. Ouais, après je me suis vraiment en écoutant, je me suis pas trop dans l'explication. Il faut que je me méfie aussi de l'utilisation des deux micros. Je trouvais au bout d'un moment ça marchait super bien. Ouais. Enfin, ce que ça produit. Ouais. Comme profondeur de champ. On se dirige maintenant vers un autre théâtre, pas loin de celui-ci, le théâtre Garonne. Prochaine station, Saint-Cyprien République. Station Gonette, Saint-Cyprien République. C'est pour Radio Campus. Bonjour Bénédicte. Il y a quelqu'un pour un entretien maintenant ? Chaque fois, j'ai essayé et en fait, c'est parti. Ok. Donc, il suffit d'en prendre un. Tu peux monter juste au premier étage, ici, au bar. Elle vient là-bas. Oui. D'accord, parfait. Merci. Bonjour. Bonjour. Au Théâtre Garonne, j'ai rencontré Bénédicte Namon, la directrice adjointe. On commence par un petit mot sur la programmation. On présente du théâtre, mais aussi de la danse et de la musique. On n'a aucune contrainte de centre dramatique. Il y a une programmation entièrement libre. Il y a une part subjective de choix. On fait partie de réseaux européens, nationaux, régionaux et internationaux. Et on travaille comme ça par réseau affinitaire, en étant attentif à des gens, des artistes, c'est-à-dire les artistes qui ont une manière particulière de voir le monde, de l'interpréter, sans forcément que ce soit des propositions consensuelles. En fait, notre programmation s'adresse essentiellement aux jeunes générations, parce que les artistes sont aussi des gens relativement jeunes qui viennent ici, et ils sont de toutes origines. On est vraiment un théâtre ouvert sur le monde. Un théâtre qui intéresse les jeunes générations qui n'ont pas de problème quand les spectacles sont en anglais, qui sont habitués à bouger, qui sont habitués aussi à mélanger ou à aller d'une forme à une autre. On peut faire de la philosophie puis aimer regarder les séries. Et c'est vrai qu'on peut retrouver ça dans notre programmation, en fait. Cet éclectisme, cette ouverture sur le monde. Donc moi, je conseille juste de venir voir. C'est une maison, il y a un restaurant, il y a un bar. Déjà, ça donne envie. Un spectacle en particulier à conseiller, peut-être ? En janvier, avec le TNT, là, il y a un spectacle qui peut vraiment intéresser les étudiants, qui s'appelle Price, qui est une histoire de jeune homme qui sort de l'adolescence, qui tombe amoureux pendant que son père meurt d'un cancer. Et c'est écrit par, à l'origine, le roman est écrit par Steve Tessich, qui a écrit aussi un livre qui est culte, en fait, qui s'appelle Carou. Price, de Steve Tessich sur scène. Ça a l'air pas mal, ça. Le problème, c'est qu'avec Noël qui arrive, il me reste plus beaucoup d'argent pour les sorties. On peut, en achetant 3 places... Enfin, une place pour 3 spectacles, on peut avoir 10 euros la place. Et après, quand on a... Sinon, on achète juste une carte à 5 euros. 5 euros pour les moins de 30 ans. Et ça permet d'avoir un tarif très réduit au spectacle. On va faire des propositions, par exemple, pour Noël, une nouvelle an, où quelqu'un peut vous parrainer et vous offrir l'adhésion. Il faut regarder sur le site, en fait. Si ça fait envie, on vient. C'est pas cher. D'accord, très bien. Merci. Merci à vous. Bon, si vous cherchez une idée de cadeau originale, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si on allait voir maintenant ce que nous propose le Théâtre National de Toulouse ? On va demander ça maintenant à Maxime Deneau, chargé des relations au public. Prochaine station, Jean Jaurès. Station Jean Jaurès. Correspondance, ligne 1. Bonjour. J'appelle Leslie. Ah, parfait, merci. Oui, Leslie, la journaliste est là. Encore voilà. Deux. La salle dans mon bureau. Ouais, ok. Donc ici on se trouve au Théâtre National de Toulouse. Le Théâtre National de Toulouse est un centre dramatique national. Donc c'est un lieu qui a pour mission notamment donc d'accompagner la création. Donc c'est-à-dire qu'on accueille des spectacles qui ont été créés récemment. Et puis nous on a une mission d'accompagnement d'artistes. C'est-à-dire que dans notre mission, nos directeurs sont des artistes et metteurs en scène. Et l'objectif de ce théâtre, il est à la fois voilà, de les accompagner dans leur création à eux, mais aussi d'accompagner d'autres metteurs en scène, d'autres artistes, et d'accueillir des spectacles voilà, qui ont été créés très récemment et qui sont en tournée en France ou en Europe. Une autre mission de notre théâtre, il est d'accompagner les publics dans la découverte du théâtre. Découvrir le théâtre, c'est une belle idée. Alors, qu'est-ce qu'il y a à découvrir au TNT ? C'est une programmation qui est assez éclectique parce qu'on a à la fois des spectacles, on va dire, des formes contemporaines, donc soit avec des textes de théâtre contemporain, soit avec des écritures de plateau, on accueille aussi de la danse, des ciné-concerts, donc on a vraiment une programmation éclectique et on a bien sûr du théâtre plutôt de répertoire. Le choix est vaste, hein ? Du coup, on va faire le focus sur un spectacle. Il y en a notamment un qu'il faudrait découvrir au mois de janvier, qui s'appelle Danse d'Eli, un spectacle de Galine Stoev qu'il a créé en Bulgarie, au Théâtre National de Sofia. C'est vraiment un spectacle étonnant, puisqu'en fait, Danse d'Eli, ce sont 7 pièces en une. C'est un peu comme si, vous voulez, on prenait le postulat « et si ». Je prends 7 personnages dans un même endroit, et si je changeais un élément de ces 7 personnages, qu'est-ce qui se passerait ? Notamment, il y a toute une réflexion sur... sur l'amour, la relation que voilà, la relation d'amour qui peut lier plusieurs personnages, c'est finalement qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier ou pas, et où est-ce que nous on peut être heureux en amour aux dépens d'autres personnes. Enfin voilà, c'est des questionnements et des thématiques finalement très contemporaines et très proches des jeunes, je pense. Ouais. Effectivement, les histoires d'amour, ça parle à tout le monde. Mais j'espère que vous avez pensé au petit porte-monnaie des étudiants. Chez nous, les étudiants, donc, on leur propose des tarifs préférentiels. Déjà, un étudiant qui souhaiterait découvrir le théâtre juste pour un spectacle, donc il peut bénéficier d'un tarif à 16 euros chez nous. Et donc, on a facilité l'abonnement pour les étudiants, puisqu'ils peuvent s'abonner chez nous à partir de 3 spectacles, et le spectacle leur revient à 10 euros. Ensuite, donc pour 30 euros, on peut découvrir 3 spectacles chez nous très différents. Et parallèlement à ça, ou pour aller plus loin dans la découverte du théâtre, ils peuvent évidemment accéder à toutes les actions que l'on mène autour de notre programmation. Et donc notamment, on fait des visites, on fait des rencontres avec les artistes, comme je l'ai dit. Tout ça, c'est gratuit. Et donc notamment, le 20 janvier, à 16h30, on va proposer au public de rencontrer Galine Stoev dans le cadre d'une rencontre, où il va revenir à la fois sur la création de Danse d'Eli, mais aussi parler un peu plus de son parcours et de qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qui le touche et qu'est-ce qui l'anime en tant que en tant qu'artiste européen aujourd'hui. D'accord, voilà. Très bien, merci Maxime. Allez, on quitte le centre-ville, maintenant on va passer faire une petite visite au théâtre Jules Julien pour papoter avec le directeur Pascal Papini. Prochaine station, Saint-Agne, SNCF. Estacio Benento, Saint-Agne, SNCF. Bonjour. Donc, Pascal Papini, directeur du théâtre et du conservatoire de théâtre. Bonjour, enchanté. Bonjour. Et Josiane de Radio Campus. Vous voulez grand reporter ? Oh, grande reporter, c'est un grand mot. Ouais, grande reporter, c'est vite dit, hein, parce que je mesure 1m50. Bon, trêve de plaisanterie, maintenant, c'est quoi le théâtre Jules Julien ? Le théâtre Jules Julien a depuis une trentaine d'années un peu l'identité de la transmission. C'est là où il y a eu énormément de formations. Formation d'acteurs, c'est sous la tutelle du conservatoire. Et avant tout, c'est plutôt un théâtre d'insertion professionnelle pour des projets de fabrique, des projets de création, avec des jeunes équipes. Il y a une vocation jeune public aussi pour le quartier, donc on diffuse du jeune public assez régulièrement. C'est super, il y en a pour tous les âges. Un peu plus de précision sur vos choix de programmation peut-être. Il y a des résidences pendant 15 jours ou 3 semaines, des équipes vont travailler et sortir, des compagnies du coin. Quand je dis du coin, c'est pas que de Toulouse, mais enfin de la région. Autour de projets artistiques qui soient pertinents et qui aussi amènent un regard sur une ouverture au public. Parce que même si on est en création, c'est pas pour ça qu'on peut pas faire un parrainage avec une classe, une école, des jeunes, des moins jeunes, et d'essayer que ce théâtre soit un lieu de vie permanent. La diffusion même, quand on choisit des spectacles, en regard à des questionnements artistiques de l'équipe ou des équipes en résidence, ou des temps forts de réflexion qu'on veut avoir avec des partenaires. Par exemple, on est en partenariat avec Supernova au Sorano, bon, ben, ça va être les jeunes équipes émergentes, avec Marionettissimo, ben, ça va être un spectacle un peu singulier de marionnettes. Ah, vous voyez, plein de formes différentes, hein. C'est pas évident de choisir un spectacle parmi tout ça. On a un temps fort avec une jeune compagnie de Toulouse, qui s'appelle Méga Super Théâtre, MST, et qui font les conversations posthumes avec Gilles Deleuze. C'est à la fois sur l'abécédaire de Gilles Deleuze, il y a quelque chose de très ludique, il n'y a pas besoin d'être philosophe pour comprendre, et en même temps, c'est vraiment la question c'est autour de la pensée citoyenne. Et c'est que des jeunes acteurs, ils ont 22, 28 ans. Après, en février, on a un temps fort, parce que c'est sur la présence, le combat et la présence. Alors là, c'est un acteur et le champion du monde de boxe. Et c'est un spectacle, alors là, très très singulier, qui s'appelle La Plénitude Décembre. Le champion du monde de boxe au théâtre, c'est du jamais vu. J'imagine que vous avez des tarifs réduits pour les étudiants. On a un petit système d'abonnement à 15€ pour les étudiants, ce qui leur permet d'assister à tout, aussi bien au spectacle qu'aux sorties de fabrique. Pour les amoureux de théâtre, là, il y a de la place, quoi. Là, toutes les semaines, quasiment toutes les semaines, ils peuvent venir voir quelque chose. Puis quand on a un abonnement à 15€ ou 20€ pour l'année, là, on peut pas parler de vie chère, là, hein. C'est vraiment un service public au service des jeunes. Merci beaucoup. Eh bien, merci d'être passé. Avec bienvenue plaisir. À Jules Julien. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie de revenir. Oh, mais il est temps d'enfiler ma plus belle tenue pour me rendre au théâtre du Capitole. Station Capitole. Bonsoir Julien. Bonsoir. Je suis Cathy, je travaille avec Vanessa. Enchantée. Enchantée. Vous êtes trempée ? Un peu. Pleut énormément. Vous pouvez venir, Julien. Très bien, Julien Arnaud. Bonjour Christophe Gristi. Bonjour. Bonjour. Merci. Là-bas, je rencontre Christophe Gristi, le directeur en personne. On se retrouve donc dans un lieu très important à Toulouse. Théâtre du Capitole, qui est l'opéra de Toulouse. Nous sommes sur la place du Capitole, dans le bâtiment de l'hôtel de ville, donc l'aile droite. Alors l'opéra de Toulouse, le Théâtre du Capitole, c'est un lieu où on fait donc de l'opéra et du ballet, et dont nous donnons des spectacles de danse et d'opéra tout au long de la saison, plus des concerts, des animations, etc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va détailler un peu ce qu'on vous propose ici. Le Théâtre du Capitole a la particularité donc d'être un des grands centres de production lyrique et chorégraphique de France. C'est-à-dire que c'est un endroit où l'on fabrique les spectacles que nous présentons. C'est-à-dire, nous avons des ateliers de costumes, de décors, c'est une énorme entreprise. Mais attendez, l'opéra, le ballet, c'est pas trop pour les jeunes, ça, si ? Moi, perso, j'y connais rien et je saurais pas trop quoi aller voir. Moi, je tenterai l'aventure de la Valkyrie. Si vous voulez, ça fait un peu peur parce qu'on se dit c'est Wagner, donc ça doit être difficile. Pas du tout, au contraire. C'est une musique extrêmement abordable qui vous prend par les tripes tout de suite. Et puis, c'est une histoire fantastique, donc c'est très proche d'univers qu'on connaît bien aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été l'inspirateur de toute la littérature fantastique du XXe siècle, jusqu'à Harry Potter et ce genre de choses. Tout ça vient de la mythologie wagnérienne. Et d'abord, c'est un extrêmement beau spectacle. Il y a de très grands chanteurs. Il y a l'orchestre, une très large formation orchestrale. Donc, si vous voulez, c'est un truc extrêmement prenant. Moi, je recommande à quelqu'un qui n'est jamais venu à l'opéra de venir voir la Valkyrie et il sera stupéfait par la magie de l'opéra. Waouh, ça a l'air encore mieux que le cinéma. Et en plus, c'est moins cher. Le Théâtre du Capitole propose aux jeunes de moins de 26 ans ce qu'on appelle la clé Capitole jeune, qui coûte 18 euros. Et avec ces 18 euros, vous avez droit à 3 entrées pour 3 spectacles différents, toutes disciplines confondues. Et selon un principe qui est très simple, ou bien en troisième série, si vous réservez tout de suite, et ça vous fait une économie déjà très importante, ou bien au dernier moment, si vous tentez votre chance, et quand même, quand on veut rentrer quelque part, on rentre, vous pouvez avoir une place de première série, c'est-à-dire à 90 euros ou plus pour 6 euros, en venant, faisant la queue au dernier moment. D'ailleurs, franchement, il y a beaucoup d'étudiants qui font la queue devant le Capitole tous les soirs, je trouve ça génial. Donc vraiment 6 euros, je crois que c'est à peu près sans concurrence. Merci. Franchement, je crois que c'est extrêmement intéressant, venez nous voir. Et merci beaucoup. Merci à vous. Si vous n'êtes pas convaincu avec un enthousiasme pareil, et maintenant rendez-vous au Théâtre du Pavé avec Justine Ducas, l'attachée à l'information et aux relations publiques. Dès mon arrivée, l'accueil est savoureux. Station Sainte-Anne, SNCF. Bonsoir. Bonsoir. Et du vin chaud, oui. Donc vous êtes au Théâtre du Pavé. On est situé dans le quartier Sainte-Agne à Toulouse, juste à côté du métro. Francis Azéma, directeur depuis 2001, fait une programmation assez variée au niveau du répertoire. On est à peu près à 50% répertoire classique et 50% répertoire d'auteurs contemporains. Mais il fait intervenir des compagnies essentiellement régionales et des artistes qui ont la même sensibilité artistique et la même approche du texte que lui, à peu près. Voilà, c'est sur là-dessus que se rejoignent tous les artistes de la saison du Pavé. Ça a l'air intéressant, hein, mais ça veut dire quoi la même sensibilité artistique que Francis Azéma ? Alors, il faudrait poser la question à Francis Azéma, directeur du lieu. Mais en tout cas, il nous dit souvent que c'est pas l'auteur, le choix de la pièce qui prime, c'est aussi ce qu'en fait l'artiste. Et justement, sa sensibilité artistique, sa façon de traiter le texte et de le renvoyer au public. Peut-être que si on explique ce que fait Francis Azéma, ce sera plus clair. Un spectacle qui représente totalement ce que fait Francis Azéma, sa compagnie Les Vagabonds et le Théâtre du Pavé depuis 16 ans maintenant, c'est Le Loup et le Loup. C'est les fables de La Fontaine racontées au plus grand. Il y a très peu de décors, on a juste le texte qui nous vient aux oreilles. Les Fables de La Fontaine, un grand classique mais toujours efficace. Et c'est pas tout, on a une autre suggestion qui devrait intéresser les jeunes. Il y a Migrant, fin janvier, de Matej Wiśniewski, qui est un auteur contemporain. Et qui traite de ces millions de personnes qui traversent les mers pour aller en Europe. Ça sera entouré d'une exposition dans notre petite salle sous le pavé, qui est d'ailleurs est un bar où on peut donc boire des coups et manger, et une exposition aussi à la librairie Ombre Blanche, donc sur le thème de l'exil. Et on aura aussi une rencontre avec les associations Avocats sans frontières et la CIMAD. Alors la CIMAD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association de solidarité active et de soutien politique aux migrants, aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et à tous les individus en situation irrégulière. Moi, la solidarité humaine, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Et le Théâtre du Pavé soutient aussi les petits budgets, bien sûr. Donc on a un tarif étudiant et moins de 26 ans à 9 euros. Et ensuite, on a un partenariat billetterie avec 10 structures de la ville, donc 9 théâtres et une salle de concert, Le Bijou. C'est un carnet de 3 places qui vaut 18 euros, donc 6 euros la place. Ce n'est pas nominatif, pas limité dans le temps et donc valable dans toutes ces salles. Vous pouvez l'acheter à n'importe quel moment et vous pouvez le partager. Et juste au Théâtre du Pavé, on a ce qui s'appelle les places partage. Il y a 5% de la jauge, donc c'est-à-dire 10 places partage quand c'est des spectacles grande salle et 3 places partage quand c'est des spectacles qui se déroulent sous le pavé, qui sont mis en vente. Ça vaut 4 euros. Il n'y a aucun justificatif à présenter. Il faut juste être les premiers à la demander. Voilà, sachant que le bar ouvre à 19h en semaine. D'accord, mais c'est intéressant tout ça, ça ferait des belles idées de cadeaux de Noël. Eh oui. Très bien, mais merci beaucoup. Eh bien, de rien. Alors oui, assez-toi. Alors tu l'as vu, il vient. Comment la clinique? Une crise d'appendicite? Charmant! Et c'est ça que tu appelles un garçon sérieux? Mais je suis calme, très calme! Bon, très bien. Il est en route. Le théâtre, il a un peu une image de truc un peu vieillot, ou truc un peu réservé à une élite ou quoi, mais il y a aussi du théâtre qui est juste marrant en fait. C'est comme le cinéma, mais en mieux. C'est-à-dire qu'on a des vrais gens qui font des vrais trucs devant nous et qui nous racontent une histoire. Ah, c'est la sonnette. Je crois qu'il faut applaudir très fort à l'ouverture du rideau. Un grand bravo à Julia Arnaudot pour ses rencontres théâtrales et sonores. Alors je rappelle les spectacles évoqués dans le reportage de Julia, tous à découvrir en 2018. La fille qui sent le tabac, à découvrir du 18 au 20 janvier, Infini B du 1er au 3 février, ça c'est au Théâtre du Pont-Neuf. Price du 10 au 17 janvier au Théâtre Garonne. La danse des lits au TNT du 11 au 20 janvier avec une rencontre, je crois que c'est le 20 janvier, gratuite au TNT. Allez voir sur le site. Les assemblées, ça c'est une seule représentation le 15 janvier. Et la plénitude des cendres le 16 février au Théâtre Jules Julien. La Walkyrie, ça c'est du 30 janvier au 11 février, c'est au Théâtre du Capitole. Et enfin, le Loup et le Loup du 23 au 28 janvier au Théâtre du Pavé. Merci encore à tous les acteurs et les actrices de théâtre qui ont bien voulu recevoir Julia. Je vous invite à découvrir une version plus longue du reportage de Julia sur nos ondes dimanche 24 décembre à midi, puisque vous écouterez tous Campus FM dimanche 24 décembre à midi. On se retrouve dans un court instant, le temps d'écouter In Your Dreams par le groupe Dark Dark Dark. Kiss your face, turn your cheek, lay your head down, lay your head down, lay your head down, lay your head down. Et en direct sur Campus FM, n'ont rien à voir, quoique on écoutait le morceau In Your Dreams par le groupe Dark Dark Dark. Il est sorti en 2010 sur l'album We'll Go. Alors, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le générique de la série britannique 13, véritable succès de la BBC, et sorti en France, et oui François, en novembre dernier. C'est l'histoire de Ivy Moxon, elle a 26 ans, elle est séquestrée depuis 13 ans, d'où le titre 13. Et elle vient d'échapper à la vigilance de son ravisseur, le mystérieux Léonard. Et moi, j'ai adoré cette série. C'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. D'accord. Hugues, t'es prêt ? Oui, je suis prêt. Bonsoir. moi, ce soir, je vais vous parler de... d'un film, tout d'abord, que j'ai vu hier soir à la Cinémathèque, dans le cadre consacré au réalisateur français Henri-Georges Clouzot, qui a notamment réalisé... Les Diaboliques, mais aussi Le Salaire de la Peur avec Yves Montand. Hier soir, on a pu voir donc Le Corbeau, un film de 1943 qui se passe dans une petite ville de province, une petite ville de la banlieue parisienne pour être plus exact même, où beaucoup d'habitants reçoivent des lettres anonymes signées Le Corbeau, et donc ces lettres ont un contenu calomnieux. Et il y a notamment un médecin qui est accusé d'avortement illégal à travers ces lettres. Donc ça va semer une sorte de paranoïa plus ou moins générale dans cette petite ville, une atmosphère de suspicion permanente. Et d'ailleurs la fin est assez surprenante. En tout cas c'est un film qui est très bien écrit, très bien rythmé, avec des dialogues assez crus, assez secs, comme les affectionnait Henri-Georges Clouzot. Et ce film donc a été produit par la Continentale à l'époque, et donc ça va être l'occasion de vous parler d'un livre qui a été écrit par Christine Leteux, qui était venue présenter le film Le Corbeau donc hier soir. Donc son livre, c'est Continental Film, cinéma français sous contrôle allemand, préfacé par Bertrand Tavernier, donc réalisateur français talentueux et grand cinéphile érudit. C'est sorti aux éditions La Tour Verte. Et donc La Continentale, c'était une société créée par un producteur allemand qui s'appelait Alfred Greven, créée donc dans le Paris occupé, une société de production cinématographique où on retrouvait pas mal de vedettes de l'époque, notamment Daniel Darieux qui nous a quitté il y a pas très longtemps, et des cinéastes de renom, donc Clouzot bien sûr, mais aussi Marcel Carné ou Maurice Tourneur. Et durant donc les années d'occupation, la Continentale a produit une trentaine de films, dont certains très grands films comme Le Corbeau par exemple. Du coup, je pense que le mieux en fait, c'est que je vous lise un extrait du bouquin que j'ai sélectionné tout à l'heure. Ça donne à peu près ceci. Donc le fait que Clouzot ait pu obtenir l'autorisation de Greven de tourner un tel film, donc on parle du Corbeau là, est en soi impressionnant. Cela démontre les liens spéciaux qui unissent les deux hommes. On a parfois appelé Clouzot l'homme de la maison entre guillemets à cause de cette relation quasiment amicale. Il a effectivement l'oreille du patron, et celui-ci doit lui faire suffisamment confiance pour lui permettre de s'attaquer à un tel sujet. Donc, je le rappelle, le film parle de délation dans la France occupée, et on sait que pendant l'occupation, la délation, c'était un des sports favoris des Français. Donc, bien que Greven soit sous l'autorité de Max Winkler et du ministre de la propagande Joseph Goebbels, le producteur prend souvent ses décisions sans les consulter. Goebbels l'avait déjà fait venir à Berlin en mai 1942, pour lui remonter les bretelles entre guillemets. En effet, le visionnage de la symphonie fantastique lui avait fait comprendre que les Français étaient capables de réaliser un film à la gloire de leur pays. Or, pour lui, la France ne devrait pas devenir une concurrente de l'industrie du cinéma allemand. La propagande, c'était l'affaire de l'Allemagne. La France devait se contenter du divertissement avec un bon rapport commercial. Voilà un petit extrait donc du livre Continental Film, cinéma français sous contrôle allemand, de Christine Leteux. Et je tiens aussi à vous rappeler que le cycle consacré à Henri-Georges Clouzot continue à la Cinémathèque, qui s'exporte aussi hors les murs, puisqu'il y aura une projection ce soir ou demain aux alentours de 20h30 dans un cinéma à Aucamville. Alors je vous invite à vérifier toutes ces informations via internet et via le site de la Cinémathèque de Toulouse. Voilà ce que je peux vous dire pour ce soir, et puis je vous intéresse plus généralement donc à vous intéresser à la filmographie de Henri-Georges Clouzot, et puis aussi donc au catalogue de cette société de production, ma foi, très très controversée, mais qui a quand même produit des bons films. Et je tiens aussi à préciser que ce livre m'a été gentiment prêté par la librairie Ombre et Lumière, donc la librairie spécialisée dans le cinéma de Ombre Blanche, rue Gambetta à Toulouse. Merci Hugues, on se retrouve l'année prochaine ou pas? Oui. Oui? Tu seras là? Écoute, oui, après moi je serai peut-être pas là toutes les semaines, mais oui, je serai là. Voilà, c'est la dernière émission de l'année. L'émission s'achève. Merci beaucoup à Julia pour son reportage sur le théâtre à Toulouse. Merci à Ambre. Merci Edgar, à l'année prochaine. Hein. Bah évidemment. Bah, évidemment. Toujours. Merci Hugues. Plaisir. Pour Chronique du soir. Et merci aussi à François à la réalisation technique de l'émission. Le podcast qui sera dès demain sur le site de Campus FM. On a aussi une page Facebook de l'émission qui s'appelle Rien à voir quoique. Je vous invite à la liker, la partager, la commenter. On sera hyper contents. Voilà, je vous épargne mon billet d'humeur anti-Noël. Et puis on se retrouve l'année prochaine en 2018. Belle soirée sur les ondes de Campus FM. Salut!